Petit homme de la rue, tu regardes les navires quitter le port. Petit homme de la rue, ton imagination chavire et les suit vers le nord. Petit homme de la rue, tu regardes l'alpiniste quitter la vallée. Petit homme de la rue, ton imagination dévisse et le suit vers le sommet. Petit homme de la rue, c'est bien connu, il y a un grand fossé du rêve à la réalité. Petit homme de la rue, tu regardes les oiseaux quitter le nid. Petit homme de la rue, ton imagination prend l'eau et les suit vers l'infini. Petit homme de la rue, tu regardes les grands trains quitter le quai. Petit homme de la rue, ton imagination déraille et les suit en wagonnet. Petit homme de la rue, c'est bien connu, il y a un grand fossé du rêve à la réalité. Petit homme de la rue, tu regardes ton visage quitter la glace. Petit homme de la rue, ton imagination grimace et le suit vers le vieillage. Petit homme de la rue, c'est bien connu, il n'y a plus de fossé entre les rides et la réalité. Petit homme de la rue, c'est bien connu, il n'y a plus de fossé entre les rides et la réalité.